cœur. Tu as voulu partir, mais plus un soir. Ses yeux t'ont fait souffrir comme un oiseau qui a perdu. Tout nous parle de toi, rien n'a changé. On n'attend plus que toi, j'ai pardonné. Je t'en prie, reviens.